2 Samuel 23. On va d'abord lire les 7 premiers versets. 2 Samuel 23. Voici les dernières paroles de David, oracle de David, fils d'Isaï, oracle de l'homme haut placé, du Messie du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel a parlé par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, « Celui qui domine sur les humains est juste, celui qui domine dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil se lève, par un matin sans nuages. Par son éclat et par la pluie, la verdure sort de terre. N'en est-il pas ainsi de ma maison avec Dieu, puisqu'il fait avec moi une alliance éternelle, en tout point réglée et gardée? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tout ce qui est agréable? Mais les vauriens sont tous comme le chardon que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. L'homme qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance. C'est par le feu qu'ils seront brûlés sur place. » C'est un peu un dernier psaume de David à la fin de sa vie. Et là, en fait, lorsqu'il est dit « ce sont les dernières paroles de David », ce ne sont pas vraiment les derniers mots que sa bouche a prononcés, mais ce sont les dernières paroles inspirées qui sont enregistrées dans la parole de Dieu. Les dernières paroles de David. On a toujours intérêt à écouter ce que quelqu'un nous dit à la fin de sa vie. Car la personne a fait le tour de la question, on pourrait dire. Elle a vu, elle a connu des aspirations dans sa jeunesse, elle a vécu des difficultés dans sa vie, elle a connu des succès, des échecs. Et souvent, si la personne est restée près du Seigneur, ses paroles sont empreintes d'une grande sagesse à la fin de sa vie. Et dans notre société, c'est vrai que les personnes âgées n'ont plus droit à beaucoup de considération. On vit dans une sorte de jeunisme permanent. Et c'est curieux parce que on est toujours à mettre les feux de l'actualité sur les personnes jeunes. Et il y a même des personnes qui sont encore jeunes, mais qui peut-être étaient célèbres il y a 10 ans. Au fait de leur beauté, et maintenant on les voit dans des reportages, et on s'aperçoit que parce qu'elles ont quelques rides qui se sont développées, elles ne vendent plus aussi bien, donc on les laisse un peu à l'écart. Et c'est vraiment, je crois, une grande perte que de ne pas accorder l'importance que méritent les personnes qui sont déjà passées par là, les personnes qui ont quelque chose à nous dire. Et ce qui est remarquable dans les dernières paroles de David, c'est qu'il ne met pas l'accent là où on penserait qu'il le mette. Un de ses grands faits, de ses hauts faits, c'était bien sûr d'avoir défié et remporté la victoire sur Goliath. Mais là, il se présente il parle au nom de Dieu lorsqu'il est dit oracle de David, fils d'Isaï. Isaï, c'était pas un roi, c'était pas une grande famille, c'était quelqu'un d'humble, c'était un paysan qui avait de nombreux fils. Et David avait été choisi par Dieu. Il avait été haut placé, il avait été oint du Messie, du Dieu de Jacob. Et surtout, il se caractérise comme le chantre agréable de Dieu, comme le chanteur inspiré de Dieu. Et c'est vrai que sur les 150 psaumes qui se trouvent dans le recueil des psaumes, il y en a au moins 73 qui sont clairement identifiés comme ayant été écrites par David. Il ne reste plus que les paroles, mais je suis sûr que la musique était merveilleuse aussi. C'était un chanteur, un musicien inspiré. Vous vous souvenez que Saül le faisait venir et jouait de la harpe, de la guitare de l'époque, pour calmer son esprit. Et ce qui me touche, c'est que ce qui caractérise sa vie, sur ce qu'il considère comme important, c'est pas ce qu'il a accompli, mais c'est sur sa relation avec Dieu. cette relation qui était si bien manifestée dans ces psaumes, qui continue de faire du bien à l'humanité, à l'homme qui cherche Dieu. Lorsque vous êtes déprimé, lorsque vous êtes joyeux, à n'importe quel moment de votre vie, vous pouvez lire les psaumes. Et lorsque les personnes me disent « j'ai du mal à lire la Bible », j'ai dit « écoutez, prenez les psaumes et commencez à lire. Arrêtez-vous jusqu'en quand le Seigneur vous aura parlé. Et je peux vous garantir que si vous commencez, ça prendra peut-être 1, 2, 3, peut-être 10 psaumes, mais éventuellement, le Seigneur va vous toucher. Parce que les psaumes, ça décrit toutes les émotions humaines et ça décrit la toute-puissance de Dieu qui est là même quand on ne le voit pas. C'est un encouragement permanent. Et je me souviens de périodes dans ma vie où ça n'allait pas du tout, où j'étais en période de crise. Il fallait que je me force pour ouvrir la Bible. Et j'allais pas lire le Lévitique. J'allais tout de suite lire les psaumes. Et rapidement, l'Esprit de Dieu et la poésie et les expressions, l'intimité de cet homme avec Dieu me faisait du bien. Il continue, l'Esprit de l'Éternel a parlé par moi, sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël a dit, celui qui domine sur les humains est juste, celui qui domine dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil se lève. Il cherchait à être un dirigeant, un responsable qui avait cure d'âme, qui avait la responsabilité de tout un peuple, en se fondant sur Dieu. Ces paroles, lorsqu'il était inspiré, lorsqu'il écrit la parole, ce sont des paroles divines. C'est des paroles qui appartiennent à la Bible. Ce ne sont pas seulement des poésies de David, ce sont même des prophéties. Vous vous souvenez, lorsque le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a parlé à la foule de 3000 personnes, il a cité des prophéties de David. Et comme il aurait cité le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, David avait cette dimension prophétique et il s'inspirait de Dieu pour dire que si Dieu vous appelle dans une position de responsabilité, quelle qu'elle soit, que ce soit responsable de vos petits-enfants, responsable d'une église, responsable d'une étude de quartier, d'un groupe d'étudiants, vous devez dominer les humains dans la justice de Dieu, et dominer dans la crainte de Dieu. Est-ce que vous respectez Dieu? Est-ce que vous avez cette révérence pour qui est Dieu? Et est-ce que vous cherchez à travailler, à agir selon la justice parfaite de Dieu? Il utilise une image de jardinage. En ce moment, là, j'ai planté quelques tomates. Je me suis dit avec le pouvoir d'achat qui diminue, on va manger des tomates. J'ai donc acheté quelques petits plants de tomates que j'ai plantés dans notre petit jardin au soleil. Et à l'église, j'ai planté deux petits bouquets de lavande. J'ai toujours eu envie d'avoir des gros bouquets de lavande qui sentent bon, qui sont bien de la région. Et pour que ça pousse, il y a deux clés. Il faut du soleil et de l'eau. Et l'eau, en ce moment, il y a besoin de beaucoup d'eau. Il y a des plantes que j'avais oubliées qui sont à moitié mortes. Nancy me demande, tu as bien arrosé mes plantes? Il dit que celui qui craint Dieu et qui cherche à faire dans la justice, il est comme un soleil. Par son éclat et par la pluie, la verdure sort de terre. J'ai le plaisir de vous annoncer que, à ma grande stupéfaction, ça fait seulement 5 jours que j'ai mis ces petites plantes de tomates, j'ai déjà 2 petites tomates. Alors les tomates, elles doivent être grandes comme l'ongle de mon petit doigt, Mais elles sont là, c'est merveilleux de voir que ça donne du fruit. J'espère qu'elles vont grandir, parce que sinon, là, ça ne va pas nourrir la famille. Hein. Et là, David dit qu'il faut, justement craindre Dieu, avoir la révérence et agir selon la justice de Dieu pour voir du fruit dans nos vies. Il parle de l'alliance que Dieu a fait avec sa maison. Vous vous souvenez qu'on avait vu qu'il avait promis que le règne de David durerait éternellement. Et on sait qu'il y a toute cette dimension prophétique, que le vrai David, c'est Jésus-Christ. C'est lui, le fils de David. Dès le début du Nouveau Testament, David est cité dans la lignée des ancêtres de Jésus du point de vue terrestre. Et il contraste ça avec ceux qui sont des vauriens, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui rejettent Dieu. Et il dit que ceux-là, ils vont être brûlés par le feu sur place. Encore une fois, il y a ce choix, et je suis tellement heureux de vous voir tous qui avez entre 20 et 30 ans et qui cherchaient à servir Dieu. Les autres aussi, je suis content de votre présence. Mais je suis tellement encouragé de voir une nouvelle génération qui se lève et qui veut servir Dieu, qui a un choix à faire, qui peut suivre Dieu dans sa justice, qui peut suivre Dieu dans la crainte de Dieu, ou qui peut s'en remettre à une vie sans valeur, une vie qui vaut rien, une vie à la recherche des plaisirs, une vie à la recherche de loisirs, de richesses, sans Dieu. Et encore une fois, le choix est très clair. Vous vous souvenez du psaume premier. C'est tellement évident, le choix. D'un côté, il y a la vie, de l'autre côté, il y a la mort. D'un côté, il y a suivre Dieu, de l'autre côté, il y a le rejeter. D'un côté, il y a demander pardon, demander l'aide de Dieu pour vivre sans péché. De l'autre côté, il y a le péché et ses tristes conséquences. Et Dieu est là qui veut que vous fassiez le bon choix. Nous allons parler dans le reste de ce passage, de ce chapitre, des vaillants hommes de David, des hommes et des femmes puissants de David, des hommes que Dieu a utilisés. Et on a toujours une fausse idée de ce que ça veut dire qu'être puissant. Si vous regardez des livres bibliques pour enfants parlant de l'histoire de Samson. Vous vous souvenez de ce juge qui avait accompli de grands exploits contre les Philistins et puis qui était tombé dans le péché et qui avait été détruit. Et sans exception aucune, j'ai toujours vu une image de Samson comme un ancien Arnold Schwarzenegger, avec des biceps à déchirer les chemises les plus grandes, avec une carrure, des muscles, des biceps, des pectoraux à faire rougir tous les champions de musculation. Et en fait, il n'y a absolument rien dans la Bible qui dise que Samson ressemblait à Arnold. Pourquoi ? Parce que on a le problème, on pense que la force d'un homme utilisé par Dieu, c'est sa propre force. On pense que c'est son intelligence, c'est ses ressources personnelles, c'est son physique, c'est son intelligence, son quotient intellectuel qui vont faire que Dieu va utiliser un homme. En fait, dans ce vieil exemple des vaillants hommes de David, on sait que c'est des hommes qui étaient faibles. Lorsque l'on regardons ensemble dans 1 Samuel 22, c'est le début de la troupe de David. Je lis à partir du verset 1. David partit de là, il fuyait le roi Saül, et se réfugia dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute sa famille la prirent et ils y descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Il y eut avec lui environ 400 hommes. Voilà les hommes que David a rassemblés, qui vont être ce que nous appelons maintenant dans ce chapitre les vaillants hommes de David ou les puissants guerriers de David. Ce sont ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont dans les dettes, ils avaient des créanciers, qui étaient mécontents. C'était des gens qui étaient stressés, désespérés, qui n'avaient pas d'argent. Ce n'est pas l'image d'Arnold Schwarzenegger. Ce n'étaient pas des gens qui étaient bien, bien habillés, bien forts physiquement, avec un bon compte en banque. C'était tout l'inverse. C'était des hommes et des femmes qui étaient arrivés au bout d'eux-mêmes, mais qui ont décidé de suivre David, parce qu'ils voyaient en David un leader digne d'être suivi, un leader qui était proche de Dieu, et c'est eux qui sont devenus ces vaillants guerriers. On sait que l'apôtre Paul nous dit que c'est dans la faiblesse, dans notre faiblesse, que nous sommes forts. C'est seulement lorsque nous arrivons à nous vider des fausses idées que nous avons en nous, des ressources qui peuvent servir Dieu, que Dieu peut nous remplir de son Esprit Saint, de ses ressources. C'est là qu'il peut nous guider, c'est là qu'il peut nous utiliser. Et ça, c'est merveilleux parce que ça veut dire que tout le monde est qualifié pour être utilisé par Dieu. Il n'y a pas besoin d'être une superstar pour commencer. Il faut être vide et venir se remplir auprès de Dieu, venir le suivre. Et plus nous nous laissons aller à lui, à sa direction, et plus il peut faire de grandes choses. Ce qui limite Dieu dans ma vie, ce qui limite Dieu dans votre vie, ce n'est pas ses ressources, c'est l'idée que moi j'ai des ressources. C'est l'idée que moi je pense mieux que lui, que j'ai de meilleurs plans que lui. Et on va, en parcourant rapidement ce passage, voir quelques-unes des qualités que Dieu peut utiliser chez un homme, chez une femme qui cherche à plaire à Dieu. Ces hommes cherchaient à suivre David. Nous voulons suivre le vrai David, le David idéal, Jésus-Christ. Alors, ce qui est merveilleux aussi, encore une fois, ce passage nous montre combien Dieu est personnel, combien il vous connaît intimement, au point de garder le nom de ces hommes dans ce texte biblique pour les générations futures, passées déjà et présentes, pour qu'elles puissent connaître, savoir qu'il y avait un nom, un gars qui s'appelait Yocheb Bachébet. Alors, voici les noms des vaillants hommes de David. Yocheb Bachébet, le Tachémonite, chef de division. C'est lui qui brandit sa lance sur 800 hommes, qu'il transperça en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Aoui. Il y en a qui ont des noms qu'ils n'aiment pas. Est-ce que vous auriez aimé être appelé Éléazar, fils de Dodo? Viens ici. Fils d'Aoï, il était l'un des trois vaillants hommes qui défièrent avec David les Philistins qui s'étaient rassemblés là pour le combat, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. C'est lui qui se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste collée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint à la suite d'Éléazar. Après lui, Shamma, fils d'Agé de Harar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Lehi. Il y avait une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se tint debout au milieu de la pièce, la reprit et frappa les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois personnages qui arrivent en tête de cette liste, des top de cette liste, le hit parade des vaillants hommes de David. Trois noms qu'on connaîtrait sans doute pas par ailleurs, Yocheb Bachébet. Lui, il est dit qu'il avait brandi sa lance sur 800 hommes qu'il avait transpercés en une seule fois. Alors c'est vrai, quand on pense au shish kebab, on dit que sa lance devait être très longue pour enfiler 800 hommes. Alors il y a un autre passage parallèle qui parle de 300 hommes seulement. Ça fait encore pas mal de monde. Mais quelle que soit la vérité, le détail historique, il est possible qu'il y ait une erreur de transcription, il est célèbre parce qu'il avait attaqué avec un zèle incroyable. Il s'était battu et il avait remporté une victoire sur une foule d'ennemis de Dieu et d'Israël. Il était responsable, il était chef de division, et peut-être par l'intermédiaire de sa direction, la façon dont il combattait, mais il est allé au combat. Il n'a pas envoyé les autres en disant « Allez-y, vous autres, moi je reste à l'arrière ». Il a combattu, et on se rappelle de lui maintenant, Yocheb Bachébet. Il a, en une seule fois, peut-être ce n'est pas d'une seule fois qu'il a transpercé tous ces hommes, mais en un seul combat, il a remporté une grande victoire. Est-ce que vous avez ce zèle pour servir Dieu avec son aide? Est-ce que vous êtes prêt à être la seule personne dans l'amphi qui va oser dire « L'évolution n'est qu'une théorie. Ne l'enseignez pas comme un fait scientifique avéré sans contestation. » Est-ce que vous êtes prêt, tout seul? Ou est-ce que vous devez d'abord rassembler une petite troupe? Dieu va vous donner une troupe. Mais est-ce que vous avez le courage de dire « Je suis chrétien, je n'ai pas honte d'être chrétien, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est le salut de quiconque, le salut pour quiconque croit, du juif et du non-juif. » Nous sommes tous appelés à être courageux, à avoir du zèle. Éléazar, le fils de Dodo, j'aime bien ce nom, Éléazar, fils de Dodo. C'était avec un des trois autres hommes qui avait, avec David, défié les Philistins dans un combat. Et là, sa caractéristique, c'est qu'il s'était battu jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste collée à son épée. Est-ce qu'il vous arrive des fois de travailler où vous n'en pouvez plus, mais vous continuez? Sans le mettre mal à l'aise, j'étais impressionné. Marc a commencé à laver les vitres. Vous pouvez les compter, une par une, pendant 2 jours, jusqu'au bout. Je crois qu'à la fin, sa main devait avoir des crampes sur l'éponge. Est-ce que quand vous faites quelque chose, est-ce que vous vous engagez, vous allez jusqu'à la fin? Ou dès qu'il y a un petit problème, dès que vous êtes un peu fatigué, vous laissez tomber? Dieu veut que vous persévériez. La persévérance dans la bonne direction, c'est le progrès assuré. Si vous savez que Dieu vous appelle à faire quelque chose, persévérez. Et avec le temps, avec son aide, vous allez voir qu'il va accomplir des choses. Ce n'est pas vous, mais persévérer, ça veut dire se tenir debout, même quand tout tend à nous écraser. Relever la tête, continuer. Comme le petit lapin avec les piles Duracell. C'est ça la persévérance. Les autres vont s'arrêter bien avant. Ils vont dire, oh, à quoi ça sert? On tient un stand à la fac de lettres pendant l'année. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, à quoi bon? Mais encore une fois, c'est dans la persévérance qu'on a pu voir des fruits merveilleux. Et ce n'est pas nos fruits, c'est les fruits que Dieu a pu récolter parce qu'il nous a donné la persévérance. Quoi que vous fassiez, si vous savez que c'est le Seigneur qui vous demande de le faire, faites-le avec persévérance, jusqu'à ce que ça fasse mal. Mal à la main, mal au dos, lorsqu'on fait un déménagement. Il y en a qui ont aidé la famille d'Acosta hier soir, je ne sais pas qui, mais je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui se sont fatigués par amour fraternel, pour montrer que la famille de Dieu, c'est pas seulement le dimanche matin, c'est quand vous avez besoin les uns des autres. Alors il ne faut pas avoir fait de grandes études théologiques pour se rappeler que l'épée physique, c'est aussi un signe, un type de la parole de Dieu. On a étudié encore une fois Éphésiens 6, on sait que la parole de Dieu, c'est comme notre épée spirituelle. Et là aussi, la personne que Dieu va utiliser, c'est la personne qui connaît, qui lit, qui mémorise, qui applique la parole de Dieu. On nous accuse des fois d'être à Calvary des adorateurs de la parole. On n'adore pas la parole, on adore le Dieu qui nous a donné sa parole pour qu'on le connaisse. Et c'est une bien triste chose lorsqu'il y en a qui ne donnent pas l'importance à la parole qu'elle mérite. Pour connaître Dieu, sa volonté, il n'y a rien de tel que de lire la lettre qu'il nous a écrite. Il n'y a rien de tel que de nous y plonger, de la connaître, de la cultiver. Ça doit être plus qu'un livre de chevet, ça doit être un livre qu'on ouvre dès qu'on a un moment de libre. Alors encore une fois, c'est pas de la bibliolâtrie, c'est pas de l'adoration de la Bible, c'est de l'adoration de Dieu qui nous parle à travers sa parole. Et si vous voulez être utilisé de Dieu, il faut que vous soyez un homme, une femme de sa parole. Vous pouvez faire des tas de choses sans la parole de Dieu, vous pouvez brasser beaucoup d'air, vous pouvez faire beaucoup d'organisations, de choses, mais est-ce que la parole est à l'importance dans votre vie qu'elle mérite? Est-ce que vous lisez la Bible toute dans l'année? On vend des ânes, je crois, encore quelques Bibles, la Bible en un an. En fait, pour lire la Bible, on peut y arriver en 3 mois. Moi, je ne l'ai jamais fait, j'ai fait en un an. Mais chaque année, essayez de relire la Bible, toute la Bible. Pas seulement les passages qui vous plaisent, les passages qui ne vous gênent pas trop, parce que vous savez que là, il n'y aura pas de reprise de la part de Dieu. Lire la Bible tous les jours, c'est comme tenir l'épée tous les jours. Il y a des moments où ça fait mal. C'est dès qu'on nous prend la Bible que le téléphone sonne, qu'on reçoit un texto, que d'un seul coup on pense à une chose importante qu'on a oublié de faire. Et il faut faire cet effort, avoir des crampes dans la main pour lire la Bible tous les jours. Mais si vous voulez être utilisé comme Éléazar, fils de Dodo, il ne faut pas dormir. Il faut vous lever, il faut lire. Si vous vous endormez en lisant la Bible, lisez-la assis ou lisez-la debout, lisez-la en marchant. Ce zèle pour la parole de Dieu, si vous voulez être utilisé par Dieu. Et puis, il y a Shamma, fils d'Agé de Harar. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défendu des lentilles. On pense souvent, je vais être utilisé par Dieu, il va m'utiliser pour ramener le réveil en Europe et dans tout l'Ouest. Et puis de là, on va aller en Afrique et on va remonter. Peut-être que c'est le cas et que Dieu vous bénisse s'il a ce dessein pour votre vie. Et peut-être qu'il l'a. Mais sachez qu'il a peut-être des desseins plus modestes, mais qu'il attend que vous accomplissiez le dessein qu'il a pour vous. Et dans le cas de Shamma, fils d'Agé de Harar, le travail auquel Dieu l'avait appelé, c'était de défendre un champ de lentilles. Des lentilles. Vous savez ce que c'est des lentilles? Comme une soupe aux lentilles. Ce n'était même pas des lentilles pour la vue, pour faire des télescopes. C'était quelque chose de très humble. Peut-être vous seriez battu pour du blé, mais vous n'aimez pas les lentilles et vous dites des lentilles à quoi bon? Mais il est resté là. Il s'est battu contre les Philistins. Il est dit qu'il s'est tenu debout au milieu de la pièce, voulant dire le petit champ de lentilles. Il l'a repris, parce que les Philistins l'avaient pris. L'Éternel opéra une grande délivrance. C'était un rôle très humble. Est-ce que vous aimeriez, peut-être vous cherchez la volonté de Dieu, et vous allez prier, vous allez jeûner, et Dieu va vous dire, je veux que tu défendes des lentilles. Mais non, quelque chose de qui vaille la peine, Seigneur. C'était très important, parce que d'abord c'était quelque chose que Dieu avait donné, c'était la possession de Dieu qu'il avait donné à Israël. C'était aussi une source de nourriture, c'était aussi une question de courage et de zèle. Et peut-être que Dieu vous appelle à servir dans l'école du dimanche. Et vous dites, bon, ben, je vais le faire deux fois, mais on ne m'y reprendra plus. Changer les couches et avoir des enfants qui n'arrêtent pas de pleurer, ce n'est pas vraiment glorieux. Mais si c'est ce que le Seigneur vous a appelé à faire en ce moment, faites-le avec tout votre zèle. Si vous êtes inscrit pour être à l'accueil dimanche prochain, vérifiez que vous avez noté cette date et soyez là. Si vous avez signé pour amener un plat de lentilles ou des gâteaux pour un dimanche, vérifiez que vous serez bien là et que vous amènerez ces choses-là. Peut-être que ce n'est pas « glorieux », entre guillemets. Personne ne sait qui a amené ce bon gâteau qui est déjà parti. « Oh, il n'y en a plus, j'ai vu, c'est passé. » Mais non, c'était tellement bon que c'est déjà parti. Le Seigneur vous appelle à toutes sortes de tâches, mais ce qu'il veut, c'est qu'un intendant soit trouvé fidèle. Ce n'est pas la gloire de la position, c'est pas parce que je suis devant vous que j'ai plus de mérite à accomplir la tâche que Dieu m'a demandé de faire que vous, s'il vous a appelé à faire une tâche qui en apparence est humble. Encore une fois, toute cette semaine, les travaux que nous avons faits, c'est des travaux humbles. Et pourtant, c'est pour le bénéfice de tous. Et je crois que c'est Dieu qui voulait qu'on fasse ces choses-là. Pour que l'endroit soit accueillant, que vous y sentiez bien, que vous y sentiez à l'aise. Soyons tous des Shama, fils d'Agé de Harar. Quelle que soit la tâche que Dieu nous donne, accomplissons-la avec zèle et fidélité. Fidélité dans les petites choses, c'est la marche à suivre. Et là, le Seigneur peut nous donner de plus grandes choses. Notons au passage qu'il y a depuis... Sur la terre, il y a eu des milliards de personnes qui ont vécu, mais Shama, son nom est dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a défendu des lentilles. Amen. Ensuite, il est question de trois autres personnes, un épisode intéressant. Trois des 30 chefs descendirent, verset 13, si vous voulez lire avec moi, vers le temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait à ce moment-là un poste de Philistins à Bethléem. David exprima un désir et dit « Ah, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les trois vaillants hommes forcèrent le camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit en libation devant l'Éternel. Il dit « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. N'est-ce pas le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Alors on n'est pas sûr de l'identité exacte de ces trois hommes. On ne sait pas si c'est les mêmes que précédemment ou certains des noms qui vont suivre. Mais toujours est-il que lorsque David était dans la caverne d'Adullam, il se rappelait la bonne eau qu'il pouvait boire à la citerne près de Bethléem. Et c'est vrai qu'en ce moment, quand il fait bien chaud, on apprécie une bonne eau sans goût chloré ou un goût d'eau de Javel, une eau bien fraîche. Dans un verre qui donne de la buée, peut-être avec des glaçons qui s'entrechoquent. Et le bruit des cigales, sans pastis. Dans le Moyen-Orient, au Moyen-Orient, l'eau est vraiment appréciée. Et David, sans doute, qui buvait de l'eau dans des outres un peu à goût de chèvre ou un peu moisi, se disait « Ah, je me rappelle de cette bonne eau. Ah, si seulement je pouvais boire un peu de cette eau. » Peut-être dans votre esprit, vous pensez à une fontaine, une source que vous connaissez. Peut-être quand vous étiez petit, vous alliez chez votre grand-mère, il y avait cette pompe. Et vous dites, ah oui, elle avait un goût spécial. Et David fait simplement d'exprimer ce souhait. Et aussitôt, il y a trois de ses hommes qui disent, on va y aller, on va faire ça pour lui. Est-ce que vous êtes prêt à faire des choses comme ça, où vous sacrifiez pour votre David, pour Jésus-Christ ? Est-ce que vous vous dites, je me sens appelé à quitter mon pays, à aller servir dans un autre pays ? Je suis prêt à quitter les États-Unis pour venir servir ces Niçois qui ne croient pas en Dieu. Je suis prêt à partir, moi qui suis Niçois, pour aller servir ces Chinois qui ont besoin tellement d'enseignements bibliques. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre vie ? Aller en Mongolie. Waouh ! Pour toujours. Ah ! Et encore une fois, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous dirige. Mais est-ce que vous êtes prêt lorsque votre David exprime un souhait, que toute la terre entende sa parole, est-ce que vous êtes prêt à dire, bon, mais je suis prêt si tu veux m'envoyer, Seigneur ? Ou est-ce que dire, ah non, alors là, ils peuvent y aller, mais moi, je reste ici, je vais à l'église, déjà une fois par semaine et encore, mais ça, hein, je paye un peu la dîme, ça suffit, c'est bon. Non, l'homme que Dieu utilise, la femme que Dieu utilise, c'est celle qui est prêt à se sacrifier, à ne pas chercher son confort à tout prix. Nous vivons dans une société où l'idole, c'est mon confort. On a eu la joie de pouvoir déménager, on a aménagé une cuisine, on est allé chez Ikea. La semaine dernière, j'ai enfin monté les lampes qui vont sous les placards. C'est très beau. Mais j'ai bien aimé la remarque de Tonio, il m'a dit « Et alors ?» J'ai dit « Tu as raison, tout ça c'est rien, tout ça ça va brûler, ça fait, c'est bien, mais c'est pas ça qui va apporter un sens à ma vie, c'est pas ça qui va m'apporter la satisfaction, c'est pas ça qui va me donner le sentiment que Dieu approuve ce que je fais. Dieu nous donne de bonnes choses et il peut vous donner une cuisine avec de la lumière. » Mais est-ce que vous êtes prêt à oublier ses conforts pour aller le servir avant toute chose ? David a tellement été touché par le sacrifice de ses hommes qu'il a refusé de boire l'eau qu'ils lui ont rapportée, au péril de leur vie. Et David avait une caractéristique, c'est que tout ce qu'il avait entre les mains, il le donnait à Dieu. Et cette eau qu'on lui a ramenée, au risque peut-être de mettre en colère les hommes qui avaient risqué leur vie, il l'a versé par terre en libation, c'est-à-dire en sacrifice à Dieu. Il a dit, c'est comme du sang que ces hommes sont prêts à verser pour toi, Dieu, et je te l'offre. Est-ce que vous êtes prêts au sacrifice ultime, peut-être, pour servir Dieu ? Et puis les questions de deux autres hommes encore, Abishai et Benayahu, lisons à partir du verset 18. Abishai, frère de Joab, fils de Tseruya, était à la tête des trois. C'est lui qui brandit sa lance sur 300 hommes qu'il transperça et qui eut du renom parmi les trois. Donc on peut penser que c'était un des trois hommes. Benayahu, fils de Yehoiada, était fils d'un homme de valeur et aux nombreux exploits originaire de Quatsel. C'est lui qui frappa les deux Ariel de Moab. C'est lui qui descendit et qui frappa un lion au milieu d'une citerne un jour de neige. C'est lui qui frappa un Égyptien d'un aspect formidable. Dans la main de l'Égyptien, il y avait une lance. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de l'Égyptien et le tua avec sa lance. Voilà ce que fit Benaïaou, fils de Jehoiada, et il y eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Deux hommes sont donc encore cités, avec des détails. Abishai, dont on a beaucoup entendu parler, le frère de Joab. Et là, il est question d'un exploit. Il avait transpercé, ou il avait aussi remporté une victoire, tué 300 hommes en une seule fois. Et puis, il est question d'un dénommé Benaïaou. Benaïaou va devenir le remplaçant de Joab avec le roi Salomon. Et il avait un père qui avait déjà été connu pour ses exploits. Il avait frappé les deux Ariel de Moab. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ariel, c'est en hébreu, c'est le lion. Donc c'est apparemment deux personnages de Moab, deux Moabites qui étaient redoutables, deux guerriers probablement. Et puis il est ajouté un petit détail. C'est lui qui descendit et qui frappa un lion au milieu d'une citerne un jour de neige. Encore un exemple de ce qu'un homme, une femme, qui est utilisée par Dieu est prêt à faire. C'est de ne pas attendre les circonstances favorables. On dit, une fois que j'aurai terminé mon doctorat, une fois que j'aurai terminé mes études, une fois que je serai marié, une fois que j'aurai épongé mes dettes, des fois on est forcé d'attendre, à ce moment-là, je servirai Dieu. Non, vous pouvez le faire dès maintenant, même si vous n'êtes pas marié, même si vous êtes marié, même si vous avez des dettes, même si vous n'en avez pas. Maintenant, c'est le moment de servir Dieu. Et il est descendu, il a frappé un lion. Ce n'est pas facile de battre un lion. On sait que David avait réalisé cet exploit. Mais non seulement il s'est battu contre un lion, mais il l'a fait dans une citerne, c'est-à-dire un grand trou bâti pour y stocker de l'eau, probablement, recueillir de l'eau de pluie. C'est difficile de s'échapper lorsqu'on est coincé dans une citerne et qu'il y a un lion en face de nous. Non seulement ça, il était dans un endroit confiné, face à un lion féroce, mais il l'a fait un jour de neige. Donc il avait froid, ça devait glisser. Les circonstances étaient tous ajoutées pour créer des circonstances défavorables. Et pourtant, il a montré du zèle, il a montré de la persévérance, il a montré du courage et Dieu lui a donné la victoire. Je suis béni que nous soyons aussi nombreux ce matin parce que je suis sûr que d'autres, moins braves pour le Seigneur, auraient dit « Il fait trop chaud pour aller à l'église. En plus, il n'y a pas l'air conditionné là-bas. » Je me souviens d'une dame américaine qui était passée et qui avait demandé à Nancy « Mais pourquoi vous n'avez pas l'air conditionné ici ?» Et Nancy, un peu dans la chair, lui avait répondu « Mais madame, si vous donnez 2000 euros, on aura une climatisation. » Est-ce que vous recherchez les conditions idéales ou est-ce que vous servez le Seigneur quel que soit le temps, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les difficultés ? Souvent, c'est s'il y a trop de pluie, on ne vient pas. S'il fait trop chaud, on ne vient pas. Il faut que les conditions soient juste bonnes. Non, quand on s'engage, même si c'est difficile, même si on est un peu fatigué, même si on préférerait faire la sieste, si on n'a pas dormi, on vient. On fait ce qu'on s'est engagé à faire. Et Dieu peut nous utiliser. On va regarder les derniers noms. Verset 23. Il y a eu le plus de gloire parmi les 30, mais il n'égala pas les trois premiers. David l'admit dans son conseil secret. C'était Benaïaou. Azaël, frère de Joab, du nom des 30. Elanan, fils de Dodo, un autre Dodo, fils de Bethléem, Shama de Harod, Elika de Harod, Eled de Pelet, Ira, fils d'Ikesh de Tekoa. On va les lire. Abiezer d'Anatote, Mebunai de Hushat, Salmon d'Awa, Maharai de Netopha, Eleb fils de Baana de Netopha, Ittai fils de Ribai de Gibea des Benjaminites, Sébastien de l'Ariane et Miaké de l'avenue Garibaldi. Votre nom peut être inscrit dans la série si vous servez le Seigneur. Benayahu de Piraton, Idai de Naalegash, Abi Albon de la Araba. C'était pas l'Ariane, c'était la Araba, au sud d'Israël. Asmavès de Baroum, Eliaba de Chalbon, Benayachem, Jonathan de Calgary, Shama de Harar, Ayam, fils de Charar, d'Harar, Eliphelet, fils d'Achai, fils de Makatien, Eliam, fils d'Aïtophel de Gilo. Ça nous rappelle quelqu'un. Eliam, c'était le papa de Bathsheba. Aïtophel, c'était son grand-père. C'est pour ça qu'Aïtophel a trahi David à la fin de sa vie. Etsai de Carmel, Paï d'Aram, Yigéal, fils de Nathan de Soba, Bani de Gad, Tselek, l'Ammonite, Naraï de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tserouya. Porteur d'armes, simplement. Ira de Yéter, Gareb de Yéter, Uri le Hittite, en tout 37. Le dernier nom que David mentionne, qui est mentionné ici, c'est le nom du mari de Bathsheba avec qui David avait commis l'adultère et que David avait envoyé à sa mort sous les ordres de Joab. Il avait... Et on peut imaginer que, connaissant David par ses psaumes, on sait quelle culpabilité, quel remords il avait d'avoir envoyé un de ses meilleurs guerriers, un de ses vaillants hommes, à sa propre mort pour couvrir son péché. Et là aussi, c'est le cœur de David, il a commis de grandes choses, il a commis de grands péchés, mais il avait une grande capacité de se repentir et de demander pardon à Dieu. Et on avait vu comment, lorsqu'il avait confessé son péché à Nathan, le pardon avait était intervenu avant la fin de la confession. Un panorama intéressant. Tous ces noms sont inscrits dans les Écritures. Derrière chacun de ces noms, il y a une vie au service de Dieu, une vie de quelqu'un qui, au départ, n'était pas un glorieux guerrier, quelqu'un qui était dans la détresse, qui avait du stress, du désespoir, des dettes. Peut-être que vous aussi vous dites, mais j'ai rien à offrir à Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas vos capacités, c'est votre disponibilité. Est-ce que vous êtes prêt à vous mettre à son service, à faire preuve de zèle, à faire preuve de sacrifice, à faire preuve de persévérance? Alors peut-être que vous n'aurez pas les biceps d'Arnold, mais vous aussi, vous pouvez être de vaillants hommes et femmes du grand David. Amen.